Mais les Sourouria, dernièrement, ont essayé de mettre la main sur lui, ce qui explique les derniers égarements de ces derniers temps. Et on est en janvier 2014. L'année Yati Adhaou Amar. Donc la différence, c'est que c'est une salafia politique, politique. Pas politique. Politique. La troisième sorte de salafia qui disent, troisième sorte de salafia, c'est ce qu'on appelle la salafia al-jihadiyya. Salafia qui est pour le jihad. Je vous dis clairement que ces appellations, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les journaux, chez les gens, en parlant, quoi que ce soit, d'accord? L'ilmiya, ils appellent Sururiya. Ils les considèrent comme des innovateurs. L'ilmiya, ils appellent Al-Jihadiya Takfiriyin. Ils seraient des Takfiriyin. Et Sururiya, en fonction de leurs intérêts politiques. Mais avec l'ilmiya, ils se détestent. Particulièrement avec la salafia de Rabi' Ahmed Khali. Rabi' Ahmed Khali étant une personne qui déteste les frères musulmans après avoir passé plus de 15 ans parmi eux. Il les déteste et il les connaît bien. Les points de divergence entre ces différentes salafiyas sont au nombre. Sont au nombre de 5. Première question liée, c'est grave. L'islam, à la réalité de l'islam. Savons par les douloureux précédents que la réalité de l'islam, c'est le kufr bit taghout. Wa ifradullahi bil ibada. Cinq questions, le classement est de moi. Notre divergence avec Salafia al-Imiyya, ceux qui se sont des murji'a, pour l'islam, la personne du moment qui se dit musulman, quand bien même il ferait du shirk akbar, quand bien même il serait un taghout, ça reste un musulman. Ceci, ça fait une grande divergence entre nous et eux sur les questions liées au takfir. Puisqu'entre nous et eux, il y a une grande différence. Là, clairement, j'ai pris position. C'est que quoi? C'est que pour nous, le musulman, c'est pas le musulman pour eux. Le mushrik, c'est pas le mushrik pour eux. Pour nous, le musulman, c'est celui qui mécroit au taghout, unifie Allah par l'adoration, se soumet à la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala, accomplit la salat, la zakat, d'accord? Avec les conditions de la ilaha illallah, et en s'éloignant des annulations de la ilaha illallah. Tout ça, c'est ce qu'on a c'est les doros qu'on a précédés, on ne détaille pas. Alors que eux, le moment que la personne est ignorante, il est excusé par son ignorance, pour les mots. Pour eux, la personne qui délaisse la salat, ça peut très bien être un musulman. Pour eux, la personne, hein, qui adore les tombes et adore d'autres qu'Allah, de l'adoration d'Abu Jahl et Abu Lahab, ça reste quand même un musulman, du moment qu'il est ignorant, ou muta'awwil, ou etc., etc. Le deuxième point de divergence, al-hukm bi ghayri ma anzal Allah. Le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lié au premier point, à la réalité de l'islam. La divergence avec l'Ikhwan, avec les Salafia al-Ilmiya, avec les Sururiya, c'est que, un, nous rendons mécréants les tawarit, les gouvernements, qui remplacent la charia d'Allah, qui légifèrent avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande divergence que nous avons avec les Murji'a. Les Murji'a considèrent ces gens comme étant des hukam, shar'iyyin, des gouverneurs légitimes, et ils appliquent sur eux les hadiths qui ordonnent d'écouter et d'obéir. Ça, c'est le premier point. Alors que nous considérons que ces gouvernements sont des tawarit, par le Coran, la Sunna et l'Ijma', qu'il est obligation de mécroire en eux. Le deuxième point de divergence, et ça ici particulièrement avec l'Ikhwan, et avec Sururiya, c'est que ces deux-là voient que pour arriver à l'État islamique, on peut rentrer dans les parlements du shirk, devenir des législateurs avec Allah, se présenter aux élections, ou y participer en votant. D'accord? Et ils voient ça comme quelque chose de shar'i, alors que nous voyons ça comme étant du kufr et du shirk. et que le kufr et le shirk ne sont pas permis pour al-maslaha, pour l'intérêt, et qui sont permis qu'en cas de contrainte, alors que la personne a le cœur rempli de la sérénité de la foi. Alors qu'eux, ils considèrent ça comme le summum du djihad et de la, et du sacrifice pour l'islam. Le fait de faire des partis politiques, de se présenter aux élections, de faire les campagnes électorales, et de mettre les gens dans le shirk. De même, as-sururiyya, cette tendance de salafiyya, qui est présente un peu partout, hein, ont fait des partis politiques. Ils ont fait des partis politiques au Koweït. Il y a Touraf, le groupe d'Abdelrahman Abdelkhalek. Ils se sont présentés aux élections. Ils sont présentés aux élections en Égypte, sous l'appellation de Hizb al-Nour, et d'autres. Rabbi Mohamed Abdel Maqsoud, qui a soutenu le président Morsi, Tarouz, il a défendu Yasser Bourhami, etc., etc. Tout ça, grâce aux fatwas de la maison Saoud, c'est-à-dire les fatwas d'Ibn Baz et d'Ibn Uthaymin, qui leur ont autorisé ce shirk. Ça, c'est le point de divergence entre eux et nous. Troisièmement, al-wala wal-bara. Notre minhaj, il est fondé sur al-wala wal-bara. C'est un des grands points de divergence. Et vous entendrez al-murji'a parler de al-wala wal-bara et de l'importance de al-wala wal-bara. Et vous entendrez as-sururiyya parler de al-wala wal-bara. Vous pouvez même entendre certains ikhwan parler de al-wala wal-bara. Mais dans la réalité, aucune wala et aucun bara. Quant à nous, on se désavoue, on s'allie avec al-muslimin, al-muahidin. Et parmi eux, al-mujahidin. On a tabarra min al-kafirin. Et on s'allie, on se désavoue pour la religion d'Allah. Ça implique le fait de faire le takfir des mushrikines, de faire al-bara'a sur eux. Comme on l'a vu, les preuves de ces questions-là. Et ça implique le fait de se séparer de ahl al-bid'a, comme c'était pratiqué par les salafs. C'est-à-dire que les personnes, parmi par exemple les sectes que nous avons citées, il faut se séparer d'eux et faire al-wala ou al-bara avec eux. Et ça n'implique pas leur takfir. Ça n'implique pas leur takfir. Quand al-Hassan yaqul, comme rawahu al-Lalakai, la tujalisu ahl al-ahwa, wa la tujadiluhum, wa la tasma'u minhum. Ne vous asseyez pas avec les gens des passions, c'est-à-dire les innovateurs. Ne discutez pas avec eux et n'écoutez pas ce qu'ils ont à dire. Ibn Qudama a dit dans le Ma'at al-I'tiqad, wa min as-sunnati hijran ahl al-bid'ah wa mubayanatihim wa tark al-jidal wa al-khusumat fi ad-din. Il fait partie de la sunna de se séparer ou de les délaisser ou de boycotter les gens de l'innovation, de se séparer d'eux, de ne pas discuter avec eux et de ne pas argumenter avec eux, wa tark an-nadhar fi kutub al-mubtadi'ah, de ne pas regarder dans les livres des innovateurs, wa isra' ila kalamihim wa kull muhdathatin fi ad-din, et de ne pas écouter leurs paroles, innover de nouvelles dans la religion. Ça fait partie des pratiques d'Ahl Sunnah. Donc nous faisons al-wala al-bara, non seulement sur le tawhid, mais aussi sur la Sunnah. Non seulement avec Ahl al-Shirk, mais aussi avec Ahl al-Bid'ah, avec une différence. Cette question-là, elle est primordiale. Pourquoi ? Ikhwan, il rassemble. Ikhwan, il rassemble. D'accord ? Donc ils rassemblent tout le monde pour le but, soi-disant, qui est de rétablir le califat. Et en fait, le but, apparemment, ça semble d'avoir le maximum de gens qui votent pour eux, pour ensuite gagner les élections, pour ensuite, rien du tout. Comme en Égypte, comme en Palestine, comme actuellement les mouvements qui sont en train de faire en Syrie, au Cham, et Ikhwan, sous l'apanage, sous l'appellation de Jaysh al-Hur, As-Sururiyya, sous l'appellation de l'Jabal Islamiyya, particulièrement Harar al-Sham. Quant au Murji'a, le Wala ou al-Bara, ils vont délaisser certains innovateurs. Par exemple, les Murji'a diront que les Ikhwan sont des innovateurs, que les Tablir sont des innovateurs, que les Tahrir sont des innovateurs. Et ils ont raison. Mais est-ce qu'ils mécroient au Tawarit? Est-ce qu'ils se séparent des gouverneurs arabes mécréants, de leurs armées? Est-ce qu'ils rendent mécréants les mushrikines, les adorateurs de tombes? Elle est où, la Wala ou al-Bara, sur ces points-là? Elle est inexistante. Quatrième point, l'obligation pour les musulmans de rétablir le khilafa. En ce qui concerne l'ikhwan, c'est soi-disant leur but. Et on a vu que le moyen est un moyen de shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, ne laissera jamais les gens arriver à un but noble par des moyens qu'il a maudits. Subhanahu wa ta'ala. At-tablir, ces choses-là ne les intéressent pas. Ne les intéressent pas, ils ne parlent pas de politique. Quant à l'Ahbash, qulna annahu kuffar. Quant à la Sa'afi al-Ilmiya, le califat, il est déjà présent. C'est le califat de Bouteflika, al-Tahout. C'est le califat de Abdallah al-Saoud, al-Tahout al-Kafir. C'est le califat de Sisi, et avant de Ben Ali, et de Moubarak, et de Qaddafi, et de je ne sais pas quoi. Wallah al-Musta'an. Quant à Ahl-Sunnah, Ahl-Haq, ils disent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a » Celui qui meurt sans avoir à son cou le bay'a ou un calife, il meurt d'une mort de la jahiliya. Et ils disent, comme a dit Ibn Hazm, rahimahullah dal muhalla, wa la hillu li muslimin an yabita laylatayn laysa fi unuqihi li imami bay'a. Il n'est pas permis pour le musulman qu'il passe deux nuits sans avoir à son cou le bay'a à un imam. C'est dans le muhalla, le volume 8, la page 420. Ils disent, comme l'a dit al-Nawawi, ajma'u ala annahu yajibu ala al-muslimin nasbu khalifa. Ils sont unanimes, les ulama, c'est un jma' pour dire qu'il est une obligation pour les musulmans de nommer un calife. Rétablir le califat, est donc une obligation pour nous. Le cinquième point, le moyen pour arriver à al-khilafa, c'est l'ikhtisar. C'est tout ce qu'on a cité précédemment, et on peut le détailler, on peut le résumer par deux choses. At-tawhid, wa da'watu ilay, le fait de clarifier aux gens le tawhid, le monothéisme pur, et le fait d'appeler les gens à ce monothéisme pur au tawhid, hein. Et la deuxième, c'est al-jihad fi sabilillah, le fait de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit entièrement pour Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. On sait que le djihad devient obligatoire et qu'il ne s'arrêtera jamais, comme ça a été cité dans le Coran et la Sunna, et ça a été cité dans l'aqaïd de nos imams comme l'imam Ahmed dans le Sunnah, et Abu Daoud dans le Sunan, et les ulama, ils sont unanimes sur la légitimité du djihad, et son obligation pour chaque personne, hein, lorsque le shirk, lorsqu'une partie de la religion est pour un autre qu'Allah. Comme dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans ce qu'il dit, « فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الدِّينِ لِلَّهِ وَبَعْضُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَجَبَ قِتَالُهُمْ حَتَّى أَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ » Si l'une de la religion est pour Allah, si une partie de la religion est pour Allah, et une partie de la religion est pour un autre qu'Allah, il est une obligation de combattre jusqu'à ce que la religion soit entièrement pour Allah. Il dit ça à Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatah, le volume 28, la page 367. C'est exactement ce qui se passe lorsque le shirk a rempli la terre, lorsque la rurba, l'étrangeté de l'islam, starkamat, a été rétablie comme à notre époque, et ça ne vient que par le moyen qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-jama'a, an'amurukum bi-khamsin, Allahu amarani bihin, al-jama'a, al-sam'u wa-ta'a, al-hijratu wa-jihad, il nous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonné, al-jama'a, le groupe, al-sam'u wa-ta'a, le fait d'écouter et d'obéir à l'émir de ce groupe, al-hijra, le fait d'émigrer dans le sentier d'Allah, al-jihad, hadha tariqatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et ceci c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit le fait que c'est les sectes qu'on a citées précédemment sont extrêmement éloignées de ce but et des moyens pour arriver à ce but. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نهجٌ قويم والمواقف شاهد شاهد أمراؤنا بعدًا عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة دولة قامت على أشلاء خير دعاة نهجٌ قويم والمواقف شاهد أمراؤنا بعد عن الشبهات.